Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la participation de Denis Marchand et la collaboration de quatre fidèles auditeurs qui, à chaque semaine, font parvenir les propos très judicieux. Il s'agit de Louis Douville, Noël Douville, Robert Blanchette et Yves Farley. Aujourd'hui à l'émission, nous avons d'Angleterre Tim Bonus. Nous avons une nouvelle formation multinationale, VLI. D'Italie, nous avons Conqueror et Arek Names. D'Angleterre, Sean Filkins. De Belgique, Néoprophète. De France, Nemo ainsi que Vol de Nuit. D'Allemagne, Electric Orange. D'Angleterre, Duncan Mackay. Et au bloc des pionnier du rock progressif, la position 24 du palmarès Rock de Neurones. Il s'agit de Emerson, Lake & Palmer. Et en 25e position, la formation allemande RPWL. Alors, on débute avec Tim Bonus, l'homme derrière le groupe Nomen, qui est rendu à sa 6e livraison d'album. On parle ici de « Stupid Things That Mean the World ». Et la pièce que je vous propose est Sing to Me. Alors voici Tim Bonus. The bridge over the traffic. Conversations after dark. Endless walks and roads to nowhere. Moonlit faces in closed parks. The way she looked to you, remembered what this could make you do recall. The quick defenses and the temper didn't bother you at all. Sing to me, she said. Sing to me, she said. You were dreamers on the sidelines. What this said you were dreamers on the sidelines. Sing to me, she said. Sing to me, she said. Seeking magic in somebody else's world. The way she looked at you, remembered what this could make you do. Recalled Alors, c'était Tim Bowness avec la pièce Sing to Me, et c'est extrait du plus récent album Stupid Things That Mean the World. La prochaine pièce qu'on va entendre, c'est une pièce qui est issue d'un album complètement conçu et fabriqué à partir d'Internet. On a plusieurs musiciens chevronnés de différentes formations. On parle ici de Mathias Olsson d'Anglegard en Scandinavie. On a Elisa Montendo d'Italie, qui fait partie du groupe El Tempio del Cassidre. Et on a aussi Carl DeMatta et Chris Heilman de la formation britannique Crippled Black Phoenix. Et on a aussi Kate Gladys de la formation américaine Diet Kong. Ces musiciens ont décidé de monter un album en s'échangeant des fichiers sur Internet. Et le montage final a donné un album qui est disponible actuellement sur Bandcamp. Et extrait de... Le groupe, en passant, s'appelle VLY, V-L-Y. Et l'album s'intitule One Over Time, et on va entendre Circles. Alors voici VLY. Trouble. Alors, c'était la formation Vly, V-L-Y, avec la pièce Circles, et c'est extrait de leur premier album qui vient tout juste de paraître, One Over Time. On enchaîne avec une formation italienne, Conqueror, qui ont 5 albums à leur actif. C'est un groupe qui existe depuis le début des années 2000. Et le dernier album paru l'année passée, ça s'appelle Stems, et voici la pièce Denoté. Thank you. Alors, c'était la formation italienne Conqueror avec la pièce Des Note, et c'est extrait de l'album Stems qui est paru en 2014. On va conclure le premier bloc avec une autre formation italienne du nom de Arek Names. Arek Names qui a 3 albums parus, le premier en 2003, le deuxième en 2006 et le dernier en 2010. Et c'est extrait de ce dernier album-là qui s'intitule In Case of Loss qu'on va entendre la pièce The Very Last Number. Alors voici Arek Names. c'était la formation italienne Arecnames avec la pièce The Very Last Number et c'est extrait de In Case of Loss. Mentionnons que ce groupe est fortement influencé par Van de Graaff Generator et les trois albums du groupe comportent beaucoup de longues pièces un peu sur la structure complexe de VDGG. Alors, après la pause, Sean Philkins et Neo Prof. On va débuter avec Sean Philkins, une longue pièce de 19 minutes 46, et on donne les informations à la fin de la chanson. C'est fou. Thank you. against a fading shore. By dreams we live, we seek, we strive for truth and love and so much more. Fail, set for all eternity. The power of Mother Nature, mere mortals, such are we. My time, our time, so short to conquer all our fears. In the blinking of a child's eye, an ocean full of tears. And through our hands slip grains of sand, a cosmic hourglass. Death doesn't lie, we live to die, lost in a seagull's mournful cry. Oh, Alors, c'était Sean Philkins. Au début, quand j'ai entendu la pièce pour la première fois, j'étais persuadé que c'était une pièce de IQ. La voix est assez semblable. Mais non, ce chanteur-là fait partie de la formation britannique Lorient. Et aussi en parallèle avec un groupe space rock britannique du nom de Soma. Alors lui, en tant qu'artiste solo, il a un seul album qui est paru en 2011. L'album s'intitule War and Peace and Other Short Stories. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Epitaph for a Mariner. On conclut le deuxième bloc avec la formation belge Néo-Prophète, qui a fait paru un album récemment qui s'appelle Time. Et on va entendre Orchestral Death Part 1. Voici Néo-Prophète. Alors, c'était Néo-Prophète, la formation belge avec la pièce Orchestral Death Part 1, et c'est extrait de Time qui est paru récemment. Après la pause, Nemo, Vol de nuit et Electric Orange. Thank you. Vient d'entendre sur la tombe du Phénix. C'est de Nemo, une formation française, et c'est tiré de l'album paru en 2007, Présage. On enchaîne avec une autre formation française, Vol de nuit, dont on connaît un seul album qui est paru l'an dernier. L'album s'intitule Les trains sont fantômes ce soir, et la pièce qu'on va entendre, c'est la pièce titre. Alors voici Vol de nuit. We'll be right back. fixé aux ailes de ma trotteuse, loin des aéroports, à survoler des vallées sinueuses, je brade mes tripes jusqu'aux aurores. Vous venez d'entendre la formation française Vol de nuit avec la pièce Les trains sont fantômes ce soir, et c'est extrait du seul album du groupe paru en 2014 qui est aussi le même titre, Les trains sont fantômes ce soir. On conclut le troisième bloc de l'émission avec une formation allemande, Electric Orange. C'est une formation du genre krautrock qui sont actifs depuis 1993, et on va entendre une pièce qui est tirée du dernier album paru l'an dernier. C'est le 12e du groupe, drôlement intitulé Volume 10, étant le 12e. Alors on va entendre la pièce Symptom of a Moony Nurse. Voici Electric Orange. C'était la formation allemande Electric Orange avec la pièce Symptom of the Moony Nurse et c'est extrait de l'album Volume 10 qui est paru l'an dernier. Retour de la pause, Duncan McKay, Emerson, Lake & Palmer et RPWL. Opening, et c'est extrait de cet album-là paru en 1974, Chimera. Thank you. Alors, très belle trouvaille de Noël Douville que ce Duncan Mackay, qui a une discographie en solo de 3 albums dans les années 70, et on a connu aussi dans sa participation avec The Alan Parsons Project. Il a aussi fait partie de Camel et de la bande, en fait, du groupe de tournée de Kate Bush. On va entendre la semaine prochaine une plus longue pièce qui sera extraite de cet album-là, paru en 1974. Alors, on va du côté du palmarès Rock de Neuron avec la position 24. La position 24 qui est occupée par Emerson, Lake & Palmer. Et l'album qu'on a choisi, c'est le Emerson, Lake & Palmer, le premier, qui est paru en 1970. Emerson, Lake & Palmer, on sait, ce sont 3 musiciens qui originent de groupes différents. Emerson, qui a... Keith Emerson, qui provenait de Nice, Lake de King Crimson et Palmer des Atomic Rooster. Alors, leur association a duré plusieurs années. On a une discographie de 10 albums studio, 25 albums live, 12 DVD qui sont disponibles et 17 compilations, la dernière qui est apparue en 2011. Alors, ce qu'on va entendre, c'est Lucky Man, une pièce extraite du premier album. Et sans plus tarder, voici Emerson, Lake & Palmer. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Alors, c'était Emerson, Lake & Palmer avec la pièce Lucky Man. C'est extrait du premier album paru en 1970. On va conclure avec la position 27 du palmarès Rock de Neuron avec une formation moderne allemande du nom de RPWL. On leur connaît 6 albums et la pièce qu'on va entendre, c'est extrait du 5e album Beyond Man and Time et la pièce s'intitule The Fisherman. Alors voici RPWL. So strange the human world, so strange the human sea. Here I'll cast my fishing rod, catch what belongs to me. My happiness is what I'm throwing far into the world. Taste that honey of my heart, so golden and so sweet. A mountain, my honey is too high for you to reach. High, high as a mountain, we shall be the bridge over the valley so far. Fishing rod, bring it up to me, bringing up the darkest thought our eyes can never see. Above the cloudless silence, standing on eternal ground, all the seas of destiny, how many there may be. We'll be right back. the highest place to be.